Vous écoutez Fresh Air, radio communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul et en ligne sur KFAI.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612 341 0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis Saint-Paul and streaming at KFAI.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing and if we can catch the phone, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Freddy. Bonsoir, Romain. Comment ça va? Ça va et toi? Ben, ça va. Pas always, trop mal. Always good when we're in the studio. Yeah, it feels good to come out and do that once a week. And yeah, I like that. And it's just the two of us tonight. Yeah, just the two of us. And Adrien has a good excuse. It's his birthday. I don't think it's a good excuse. Yeah, no, that's true. 2 years ago, when my birthday was on a Tuesday, I came. Oh, yeah? Yeah. So, okay, I might have been single, but still. Still. So, joyeux anniversaire, Adrien. Ouais, joyeux anniversaire, mon pote. Et tu nous manques? Non, non. Non, non. Non, pas tant que ça. No, that, okay. Un petit peu quand même. Okay. Yeah, no, I agree. Okay. That's what you're supposed to say, you know, to that nice. Is very fine. Yeah. But just for his birthday, we decided to have a special playlist. Mm-hmm. It's going to be a Halloween playlist. So I guess it's not really for his birthday. But yeah, because of Halloween tonight, we're going to have a special Halloween with like some fun song for kids and then some fun song that are not for kids. So, but that's going to be songs about Halloween, about witches and monsters and zombies and things like that. So, but all in French. Yeah, bah oui. So I need to set up the playlist because I didn't. Not to set it up, but to start the thing. And we're going to start. We'll talk about the events a little bit later. And I also, we want to thank all the people who donated. Oui, merci, merci, merci. And the goodies for KFAI are on the way. I will contact you for the goodies from Bonjour Minnesota separately. But the one from KFAI on the way, I got like a few more t-shirts. My closet is full of t-shirts. I need to get rid of some. But at least I'm going to have a good t-shirt of KFAI. Yeah. So I have more than I used to. I mean, when I first started, I had like one that I was wearing almost every week. I was washing it in meantime, but still. Oh, really? Yeah. Now I have like about 10. So. Yeah. And you never wash them? Never. Wow. You throw them out? No, I'm not that rich. I have a girlfriend now. You wash them for you, you mean? Sometimes, yeah. Okay, okay. I wash our stuff too. Yeah, well, good. All right, so we're going to listen to Les Zuts with Aujourd'hui, c'est Halloween. Then Le Grand Orchestre du Splendid with La Salsa du Démon. And then Daniel Beretta, like the gun, with Bienvenue à Halloween. Ouh, très bien. On y va? C'est parti! T'as eu peur, toi, pour Halloween? Ben non, moi, j'ai pas eu peur, moi! Aujourd'hui, c'est Halloween. Je vais me déguiser en citrouille. Je vais sonner chez la voisine. Et elle aura une de ses trouilles. Je suis la fée Moglobine, je pustule, je dégouline. Je suis le vampire du soir, je te trouve de toutes parts. Aujourd'hui c'est Halloween, je vais me déguiser en citrouille. Je vais sonner chez la voisine et elle aura une de ses trouilles. Je suis le monstre puant, je suis tout vert, poisseux, gluant. Je suis le squelette qui boite, je te grignote les omoplates. Aujourd'hui c'est Halloween, je vais

chose. C'était il y a longtemps, bien plus qu'il n'y paraît, au cœur d'un univers dont les enfants rêvaient. Et un jour arriva cette étrange aventure dans le monde des fêtes, présentes et futures. Vous êtes-vous demandé d'où provenaient les fêtes? Non? Alors suivez-moi, voici l'entrée secrète. Sera la prochaine surprise. Au coin de la rue, il y a des inconnus qui surgissent des poubelles pour trouver. Terre, c'est ça, Halloween, rouge et noir. Gélatine. Quelle horreur! C'est un enfer! Par le feu, par la glace, il faut jouer à pile ou face et s'envoler à ton couvert. C'est la ville du crime, c'est la ville du crime. Je perds la tête, quelquefois je l'arrache. Avant de disparaître dans un flash. Je suis le mort qui prend le dedans. Je suis le vent qui vous glace le sang. Moi je me glisse comme une ombre noire et je transforme vos rêves en cauchemars. Il y a des enfants beaucoup trop sages. On préfère ceux qui ont la rage. On fait peur, mais on se domine. Dans la ville d'Halloween, on plaisante, on fait des bêtises. Tout le monde attend la prochaine surprise. Si Jackass, Skullhead, sans bonbons ni trompettes, si le chien dans votre dos vous ferait pas des liaisons. C'est ça Halloween, c'est la ville du crime. Bienvenue à l'épouvantable épouvantail. Bravo Jack, c'est la bonne piste. Le voici le roi, j'ai la garde. Et le roi, et c'est comme ça. Chanter les chauves-souris. Et voilà, voilà, we are back. Yes, we are back, and you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI. And this is Romain. And Freddy. And we just listened to three songs. The first one was from Les Ut with Aujourd'hui c'est Halloween. And it's from their album Chansons pour faire la fête, or Songs to Party. Then Le Grand Orchestre du Splendide with La Salsa du Démon, or The Demon Salsa. Mm-hmm. And then VA with Bienvenue à Halloween. And as you can guess it, it's a special Halloween tonight. So we're going to keep on playing songs like that. We're going to start with kids' songs. And after that, that's going to evolve a little bit into like more adult songs because the kids are going to be in bed. And when I say adults, I mean like grown-ups. Mm-hmm. Yeah, just to not mistake. We're going to listen to the band called La Terreur. And the name of the song is Des bonbons ou un sort. So it's like trick or treat. Trick or treat. Then Stéphane Gillet et Aurélien Isarme Berger with Ma belle citrouille. D'ailleurs, today I saw like a meme about two guys, like these guys, like Darth Vader, mm-hmm. but they were in red because the thief rouille. Le 6 rouille. Ah, parce que le 6 c'est Darth Vader, ouais. And rouille is rusting, mm-hmm. And because it's red, because it's fall. Le 6 rouille. Yes, is it like Darth Maul? Darth Maul is also a Sith. It's kind of reddish. Yeah. Not quite rust, but... And then we're going to listen to Matt Maxwell with C'est Halloween. All right. Eh bien, c'est parti, mon petit titi. Allons mettre nos masques, enfiler nos costumes, s'entraîner à crier, sortir de nos chambres, toquer la porte du voisin, toquer encore et encore, voir leur expression du visage lorsqu'ils ouvrent la porte. C'est Halloween, des bonbons ou un sort, c'est Halloween. Des bonbons ou un sort, ne trichez pas. Tu seras le zombie, je serai le monstre, ou bien un cow-boy, même un homard. Toquer la porte du voisin, toquer encore et encore, voir leur expression du visage lorsqu'ils ouvrent la porte. C'est Halloween. C'est Halloween, des bonbons ou un sort, des bonbons ou un sort. C'est Halloween, des bonbons ou un sort, ne trichez pas. Nous avons besoin de bonbons en très grande quantité. Nous allons y travailler, un prix est à gagner. Toquer la porte du voisin, toquer encore et encore, voir leur expression du visage lorsqu'ils ouvrent la porte. C'est Halloween, des bonbons ou un sort, c'est Halloween, des bonbons ou un sort, ne trichez pas. Citrouille, oh, belle citrouille, tu m'as vraiment bien protégée. Les sorcières sortent le soir, les fantômes aussi. Le ciel est tout noir, les nuages sont gris. Est-ce que tu as peur des méchants esprits? Oh, monsieur, oui, oui, oui, oui, oui. C'est l'Halloween, c'est l'Halloween. Hey! C'est l'Halloween, c'est l'Halloween. Pendant l'Halloween, tu peux être ce que tu veux. Ou un serpent bleu. Il se fait tard quand tu es à la maison. Oh madame, non, non, non, non, non. C'est l'Halloween, c'est l'Halloween. Hey! C'est l'Halloween, c'est l'Halloween. Le hibou y crie, de toutes les branches pendent des chauves-souris. Est-ce que tu as peur de cette nuit? Oh madame, oui, oui, oui, oui, oui. C'est l'Halloween. The program is supported by Hennepin Health, your community health care plan. If you live in Hennepin County and you're eligible for medical assistance or medical care, Hennepin Health is here to help with coverage for medical, dental, and mental health care. Additional offers include gym benefits, rewards for visiting the doctor, and easy access to other services you may need. Learn more at hennepinhealth.org. Et voilà, voilà, we are back. Still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. And it is 8:25 and we're still listening to songs about Halloween and yes, spooky stuff. So the first song we listened to on that series of three was La Terreur with Des Bonbons ou un Sort, or Trick or Treat. Cantine TV with Ma Belle Citrouille, My Pretty Pumpkin. Mm. Mais merci. No, that's not a compliment to you. Ah, I thought that was a new nickname that you were giving me. No. And Matt Maxwell with C'est Halloween, or It's Halloween. And okay. Yeah, it's a special Halloween tonight, so. Mm-hmm. That was good. At least for the songs. Yes. Do you have any plans for Halloween? No, maybe a little bit of trick or treating with Chloe. And that's funny, last year she was wearing like an elephant costume that she bought like 2 or 3 years before. Mm-hmm. And because of the head, yeah, people didn't know that she was 16. So yeah. So she got quite a... My oldest now is 6'2 and... two. That would 20. Be hard to... I think he can't really hide anymore. Yeah. So my peanut is going to be Darth Vader. Ooh. I mean, we're talking about Sith. Yeah. Citrouille. Yeah. Mm. But he's going to be at his mom's. So, and it's a good thing because it's a more residential neighborhood. Yeah. So that should be, I mean, like even like around there, you can see some houses being decorated already. Yeah. Or you could go to my old neighborhood in St. Paul, and actually some kids were bused to our neighborhood because it was like known to be one of the best ones. And I mean, some people are really like going, you know, crazy. All the way. Yeah, yeah. It's pretty cool with a lot of, you know, like automated stuff. And Well, I live in a neighborhood where there's a lot of apartments. Yeah, buildings, and that's not the so same. I don't. I found the excuse to buy the not a box of chocolate, but you know, a bag of candy. Yeah. So just in case one is bringing, we have a little bit of kids in a in the building, but they are probably going to go elsewhere. Yeah, of course. Yeah. So. But well, that will give you a good excuse to have candy at home and say, "Well, oh, no kids came tonight." That's okay. Yes, we can do that. Yeah. And I used to really like in the past to go the next day of Halloween in the office because a lot of people were coming with their leftover. Yes, but this year is a day that I work from home. And I can go for you. Well, we could go in the office, but if everybody works from home, you know, there's not going to be a zillion of them. Yeah. So, oh well, that's okay. I can buy my own candies. Yeah, true. Yeah, but they don't taste the same. That's true. We're going to listen to Henri Dess, well known for his moustache, and he's going to sing La Sorcière de Minuit, the Midnight Witch. Ooh. Then we're going to listen to Geneviève Schneider with La Sorcière Grabouilla, Grabouilla the Witch. Oui. And then Aldebert et Alain Dorval with Le Monstre, The Monster. And that comes from his album Enfantillage number 4. So, and Aldebert is really, his songs are well made and fun. But I think, didn't he start as a, he was not doing kid stuff at the beginning. I don't know what he was doing. Because I know that my friends in France, they went to see him not so long ago, and he also has songs for, you know, grown-ups. Everybody. But, and I think once I won one of his albums, a CD, like, I don't know, like 15 years ago. Yeah. Or whatever, France Inter, whatever it was. And that's, I like Aldebert. He's been around for a long time now. Okay. Yeah. I'm not super familiar with him, so not sure. He's very familiar with you, though. No, I'm sure he's not. Yeah. Does he even know I exist? I think he does. All right, let's go. C'est parti. C'est la sorcière de minuit qui a cassé ma pendule. J'ai pas rêvé, y a un bruit au fond du vestibule. Et me voilà réveillé dans mon petit oreiller. Ah si j'étais Superman, Superman, je lui balancerai mon nounours dans les jambes et mon oreiller sur la tête. Je la pousserai dans l'escalier, ça serait sa fête. Je la pousserai dans l'escalier, ça serait sa fête. Sorcière de minuit qui a fait craquer l'armoire. J'ai pas rêvé, y a un bruit là-bas dans la nuit noire. Et me voilà réveillé dans mon petit oreiller. Ah si j'étais Superman, Superman, je l'attraperai par le bout du nez. Il est tordu, aussi tordu que ses guibolles. Elle pourrait plus m'embêter la vieille casserole. Elle pourrait plus m'embêter la vieille casserole. C'est la sorcière de minuit qui est repartie bien vite. Sur son vieux balai de riz, je l'ai vu prendre la fuite. Elle fait bien de s'en aller, pour mieux pas trop m'énerver. Car si j'étais Superman, Superman, je

voire donner naissance à tous vos cauchemars. Désolé le monstre, tu ne me fais plus peur. Ah bon? J'entends dans la pénombre les battements de ton cœur. Sors de mon armoire, je te prête mes chaussons. Ça, c'est gentil. Passe-moi la guitare et viens dans ma chanson. Ah ouais, avec plaisir. Le monstre, c'est toi. Le monstre, c'est moi. Es-tu vraiment caché derrière chacun de tes pas? Le monstre, c'est moi. Oh, oh, oh, ça dépend des fois. Bien trop souvent, c'est celui que tu ne connais pas. Le monstre, c'est toi. Ouais, mais c'est chacun son tour, ce qu'on avait dit, non? Es-tu vraiment caché derrière chacun de mes pas? Le monstre, c'est moi. Ah, attends, c'est pas parce que t'as une grosse voix que ça y est. Bien trop souvent, c'est celui que tu ne connais pas. Les monstres, c'est nous. Les monstres, c'est vous. Faut tout leur dire à cet âge-là. We've all seen the effects of wood smoke pollution this year, so before hosting that backyard bonfire, follow these simple tips to protect yourself, others, and the environment. Remember to give your neighbors a heads up before building a fire so those who find wood smoke bothersome can close their windows. Make sure to never burn wet or recently cut wood, other yard waste, plastic or garbage. These things can be toxic when burned and create excess smoke. For more tips on how to burn responsibly, visit epa.gov/burnwise. Et voilà, voilà. Voilà, we are back and it is 8:39 and you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI with Freddy. Yeah, and Romain. And it's a community radio, so... We're very grateful when you give us money because we don't make any profit. No, out of it. True. Everything is reinvested. So we listen to three songs: Halloween theme, Henri Dess with La Sorcière de Minuit, then Geneviève Schneider with La Sorcière Grabouilla, and Aldebert with Le Monstre. Mm. He said the monster is us. Oh, voilà. C'est pas faux. So we're going to keep on going, yeah. Still on the Halloween theme, but we're going to switch a little bit. We're going to listen to Steffi with Le Rock de la Sorcière, mm-hmm. The Witch's Rock. Yeah. Then Powo with Zombies dans Paris. It's an a cappella group. In general. I don't remember if this one is specifically a cappella. Okay. And then Mathieu Chédid with... Un monstre à Paris. Ah bah oui. And it's from his album Le Grand Petit Concert Maison, which he recorded during COVID. Yeah. When COVID started, he did like music every day almost. Yeah. So. Mm-hmm. I remember he that. He made like a concert of, a CD of these songs recorded with his kids, brothers, sisters, everybody. And that's pretty cool. And Un Monstre à Paris is actually an animated movie that you can watch. Yeah, and there's the soundtrack. And the soundtrack is done by M, but there's also Vanessa Paradis. Yeah. And she's the voice of the main character. Yeah, that's true. The main actress, yeah. So, yeah, A Monster in Paris. Eh ben, on y va. On y va. Une caverne au milieu des serpents, des araignées. Et si quelqu'un venait la déranger dans son grand fou, elle enfermait. I can't. chanter et à taper sur des gamelles, criant qu'elle était la plus belle, oui bien plus belle que toutes les filles. C'est le rock you see. Elle leur apprenait à jouer du saxophone et de l'ukulélé. Il y a les zombies dans Paris qui sortent de leur trou quand revient la nuit. Oh, il y a les zombies dans Paris, rien n'est plus pareil quand ils ont fini. On peut les voir sur les grands boulevards, oui, mais il faut vraiment le vouloir. Ils sont discrets, rasent les trottoirs, un beau jour ils rasent le petit square et ils démolissent rue du Bac. Place de Clichy et de la rue des Dames, à la maison de la Radio, et de Bastille au Beau, jusqu'à Pigalle, il y a des zombies dans Paris. Où est le bistrot du coin de la rue Sophie? Hier encore, moi j'y suis venu, et ce matin je ne l'ai reconnu. Pas de nom, les zombies sont revenus. Un très vieux zombie dit à un tout petit, tu vois grand comme toi. J'étais tout petit, Paris ressemblait en peur à Paris. Je me demande si ça n'était pas plus joli. Et les mollies, ça fout rue des Bacs, place de Clichy et de la rue des Dames, à la maison de la radio et de Bastille au Beau, jusqu'à Pigalle, il y a des zombies dans Paris. Il y a des zombies dans Paris, on murmure qu'ils se cachent à la mairie du Nord, au Sud, zombies dans Paris. Oh, yeah, yeah, yeah, oh, oh, oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah, oh, yeah. zombies aiment tellement le monde que les zombies ont tellement de bonnes idées qu'un beau matin, ils ont décidé que bientôt tout Paris disparaîtrait. We'll be back. Patrick Vichy et de la Rue des Dames à la maison de la radio et de Bastille. Jusqu'à Pigalle, y a des zombies dans Paris. Et il est mort, maman, maman, du sud du bac. Place de Clichy et de la Rue des Dames à la maison de la radio et de Bastille. Oh, oh. Jusqu'à Pigalle, y a des zombies dans Paris. Je cache ma lumière sous ce manteau noir, cette écharpe rouge et ce chapeau. Je cache mon cœur sous ma carapace. J'ai bien trop peur qu'il ne se lasse, qu'il ne se casse. J'ai lu dans le journal, écrit en lettres capitales, un monstre à Paris. Je suis à part, je suis à part, je suis à part, vraiment à part, rue à Paris, vers minuit. Je cache mes espoirs, je les dissimule. J'ai bien trop peur qu'ils ne s'envolent, car je suis un monstre à Paris. Un monstre à Paris. Et voilà, voilà. Et voilà, we are back. Indeed. Yes, we keep saying that, but because it keeps being true. Yeah, and yeah, because after the three songs, we're back. Yeah, yeah. And it is 8:50, and you're listening to Bonjour Minnesota on KFAI. And we listened to three songs. Yes. Number one was... Steffi. With Le Rock de la Sorcière, followed by Zombie dans Paris. Mm-hmm. By Powwow, and that was a cappella. Yeah. And then it was M with un monstre à Paris, but it was a live version. Yes. So we're going to continue. We have about 9 more minutes until 9 o'clock. And we're going to listen to Ice Dragon with Sorcière, mm-hmm. which... I like this one. Mm-hmm. Very, like, pêchu. Then Thomas Fersen... with Les Zombies du Cimetière, mm-hmm. The Zombies of the Cemetery. Yeah, good place for them. Mm-hmm. And then Linda Lemay with My Zombie. And but first we're going to play an announcement and then back to music. KFAI is proud to present Hockey Dad and Remo Drive at Amsterdam Bar and Hall on Saturday, November 9th. Australian-based Hockey Dad is currently on a national tour with local group Remo Drive. The Midwest leg of the tour features opening act and Chicago native Tatiana Hazel. Tickets for Hockey Dad and Remo Drive can be found at the First Avenue website. Visit firstavenue.com for more details. Qu'on les juge mal ou qu'on les saigne, ce danger-là ne m'atteint pas.

et qu'elle a pas dormi. Malgré moi, je l'observe, elle a l'air d'une zombie. J'ai l'impression bizarre qu'elle est vivante mais morte. Et je sais qu'elle a le pouvoir de défoncer des portes. Quand je m'enferme dans ma chambre pour oublier sa tronche, j'entends graisser ses jambes, j'entends sciller ses bronches. Et malgré tous mes non, malgré tous mes va-t'en, la bête fait irruption et elle me glace le sang. Je reste sur mes gardes, je la vois qui s'approche. Ses orbites me regardent, sa mâchoire se décroche. Elle s'assoit sur mon lit et soudain elle marmonne: j'ai pas dormi de la nuit, je vais retourner faire un somme. Des fois, quand elle se lève et qu'elle a pas dormi, pas de phare, pas de rouge à lèvres, elle a l'air d'une zombie. Faut dire que ma zombie est en pleine ménopause. Tellement sexy quand les hormones explosent. Ou bien elle pisse la sueur, ou bien elle pisse des larmes. Mais elle pisse moins de couleurs et elle se sent moins femme. Mais des fois elle s'arrange, oui des fois elle se peigne. Des fois elle s'endimanche et elle se donne la peine. Elle devient même jolie, comme dans le bon vieux temps. J'aime ça quand ma zombie ressemble à ma maman. Vous écoutez Fresh Air, radio communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul, et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612 341 0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis Saint-Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. So we are back and we listened to three songs. The first one was A.S. Dragon with Sorcière, followed by Les Zombies du Cimetière by Thomas Fersen, and Ma Zombie by Linda Lemay. Exactly. And it's 9 o'clock p.m. Central, or 9:02. And in France, they already move. Yeah, so they were only 6 hours apart. Yes. For until next week. Yeah. So we are going to talk a little bit about the events, because yes, there are some events. Yeah. We are very grateful for it. Yes, indeed. So we're going to start with Saturday at 9:30 a.m. until 11:30, le petit déj, the Alliance Française, like the breakfast. First. Yeah, it's the first Saturday of every month. Mm-hmm. And so it starts at 9:30. It is free. But donations are accepted, yes, of course. And it's a French conversation group. And there's always a lot of people. So you can find, you know, whatever level you're at, or just, you know, to have fun and, you know, chat with your fellow French speakers. Yeah, or listen. There are some people who just come to listen, and they don't speak yet very well, but they appreciate listening to others. That's how you improve, actually. Mm-hmm. I agree. So that's on Saturday, the 2nd. Then the next day, you have the International Cafe at Utopils Brewing, which is at 225 Thomas Avenue North in Minneapolis. And it is an event where you can go, and it's a language cafe, intercambio style, casual multilingual hangout. So you can make some new friends and practice speaking in a language that you are learning or already know, including French. Yeah. So there will be a table for each language. And I've never been. Yeah. No, me neither. So you can go to our Facebook page and look at the International Cafe event to get more information. What else? So back on the second, so the Saturday, Dr. Hippolyte Joseph Seigneuret presentation. And that's at Sibley Historic Site. Yeah, it's with the French-American Heritage Foundation. Yeah. And they, what's her name? Mary Ellen Weller-Smith will discuss the life story of Dr. Hippolyte Joseph Seigneuret, who was a French doctor, who was an exiled French revolutionary leader in the European People's Spring of 1848 in France. And he came to Minnesota, was involved with the U.S. Dakota War in 1862, etc. So you can also go to our Facebook page to get more information, or go to the French-American Heritage Foundation website for more information. There is a fee to attend the event. It sounds very interesting. And then, my mouse is not working properly. Still on the second, there's a lot of going on Saturday. Yeah. There's a Cajun music and dance party. Yeah. And is it the New Riverside Ramblers? Yes. Our friends, the New Riverside Ramblers, they return to Minneapolis Eagle 34. Nice. And I, what's the 2507 East 25th Street in Minneapolis. Right. And that's a, so there's the New Riverside Ramblers. Did I say that correctly? Yeah, yes, the New Riverside Ramblers. Yeah. And there's a, so come pre-dance of those upcoming holiday pounds. And so it, again, it is at the Eagles 34, and it is on Saturday the 2nd at 7:30 p.m. I don't think I said what time it was at. No. And you can go to our Facebook page for more information. Exactly. But they are definitely worth seeing. It's a lot of fun. There's room for dancing and everything. And at the Eagle, I mean, it's a separate room. So if you want to eat before or after or have a drink, it's also convenient. Yes. So let's get back to music. All right. So with what are we Halloween listening? Theme. And we're going to listen to Julien Clerc with Macumba, which is not the same song as Macumba by Jean-Pierre Madère. No. Which has nothing about Halloween. Right. Then Zizi Jeanmaire with Vamp et Vampire, Vamp and Vampire. Yeah, it's a great album. I found it. It's like a, it's an album of cover songs from Gainsbourg, but by other people. And And then Pomme with Sorcière au pluriel, so witches, featuring Kilo Pelgag. And it's a great song. Yes. I mean, I love Pomme. I really like her voice. And okay, so let's start with Julien Clerc. On y va. C'est parti. L'aveugle voit, et on dit que c'est grâce à toi, à ta musique qui bat, le mal s'en va quand tu es là. Sorcière là-bas, sorcière de là-bas, le serpent parle, le vautour boit. Et on dit que tu fais tout ça pour libérer ce qui est là au fond de nous comme un magma. Sorcier de là-bas. Sorcier de là-bas. Macumba, Macumba.

Et voilà, it is 9:18, you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI, and we just listened to three songs, still about Halloween and witches and monsters, yeah. With Macumba by Julien Clerc, followed by Vamp et Vampire by Zizi Jeanmaire, and the last one was Sorcière by Pomme. And we are going to continue listening to songs on that theme. And Pomme has nothing to do with Beethoven. Pom, pom, pom, pom. That's true, or Apple computers. Pom, pom, pom. Yeah, that's good. Thank you. Plus, it's just Pomme. Well, yes, just Pomme. Yeah. All right, so let's... we're going to start with Philippe Russo et Funky French League with Magie Noire. Yeah, because it's a remake. Funky French League, they are like a band, a studio. They are remixing like old soul songs. Oh, a little bit like Bon Entendeur? Kind of, but they are closer to the original. Mm-hmm. And but Véronique Sanson, Françoise Hardy, some of the classics from the soul from the 70s. Mm-hmm. Okay. Followed by Arthur Ashe with Nosferatu. Nosferatu. I mean, that's the same word. It's, you know, the pronunciation is a little bit different. Yeah, Nosferatu. Tutu. Yeah, it was the movie by Murnau. And then Guérilla Poubelle with... Oh, love them. Les fils et les filles des sorcières que vous n'avez pas brûlées. The sons and daughters of the witches that you did not burn. Yes. And so we're going to start with Philippe Russo et Funky French League. Woohoo! We'll be right back. Nosferatu, ami mortel, Nosferatu, fable conte des enchantements. Je suis l'immense, l'impressionnant, le mort-vivant. Je suis le pire, dernier soupir sanguinolent. Mon Nosferatu. Un délice onctueusement rouge, tu blanchis sous ma puissance décuplée. Une dernière goutte de sang et je disparais, laissant le goût amer de mes crocs dans ta jugulaire. Nosferatu, je suis l'infâme, l'irrespectable, suceur de sang. Je suis l'ennemi. Et voilà. Voilà, voilà. We are back. So, Romain, what did we listen to? Oh là là là là là là. If I were you, I en would bonjour, not ask. Minnesota. Yes. So, we listened to three songs, which is kind of, you know, classic for us. Yeah. The usual. Yeah. So we started with Philippe Rousseau with Magie Noire, which is from the 80s. Yeah. I remember that song from when I was very young. And Freddie was much older, but that's okay. We didn't know. We can't say that. We didn't know each other then because you were like in high school when I was in first grade or something like that. Yeah, but I was a little bit delayed. So. Okay. Well, actually, we're just like 3 years apart. So it's not that. No. Well, I was 4 years behind. Okay, so I was ahead of you. Okay. At some point, yes. All right. So let's be serious. Let's for a move second. On. Yeah. So Philippe Rousseau with Magie Noire. Then it was Arthur Ashe, very good song with Nosferatu. And last was Guérilla Poubelle with Les fils et les filles des sorcières que vous n'avez pas brûlées. All right, we're going to play a couple of announcements and then we're going to listen to Les Liminianas with Nuit Fantôme, Ghostly Night, and then Les Tetraèdes with Peur, Fear, yeah. And that's Trash Live, and then another song by Pomme with Pourquoi la mort te fait peur, Why Death Scares You. Well, yeah, death doesn't scare me. No, neither. No, there's lots of things I'm getting scared of. Yeah, I'm like scared spiders. Of. No, having to run to the bathroom or things like that. Yeah, but that scares you? Yeah, it does. Well, you should write a song about that. I'm sure it's been done already. We'll play it here. Yeah. All right, so we're going to start with a couple of announcements and then we're going to listen to Nuit Fantôme. KFAI is proud to present Festival de las Calaveras, Dia de los Muertos Festival Concert at the Cedar Cultural Center on Saturday, November 2nd, featuring live performances from Los Espíritus, Bastich and Fossible of Nortec Collective, Fea, Ceci Bastida, Juan Pablo Villa y Mardonio Carvalho with Border Crossing, and more. Tickets for Festival de las Calaveras Dia de los Muertos Festival Concert can be found at the Cedar Cultural website. Visit thecedar.org for more details. KFAI presents Great Moments in Minnesota Ingenuity. Today, we take you back to 1937 and the discovery of a lifetime. What is it? I don't know. Looks like it got caught in the trap. I dare you to eat it. Thus, spam was born, or captured, or whatever. Just like KFAI, its non-commercial, community-powered radio is all kinds of bits and pieces molded together to make something unique, tasty, and not identifiable. KFAI! ramassent au coin de la rue. Ça c'est du déjà vu. Ramasse la faisan, faisan du pain perdu. Contre les mitraillettes, poussons, poussons la chansonnette. En rafale de mots, un doigt sur la gâchette. Mais c'est quand qu'on arrête l'histoire qui se répète. Juste avant qu'il soit l'heure, on fera peur à la peur. Seulement pour quelques différences, si tu n'as pas la chance, ramasse la fraison, faisant de la résistance contre les tyrannies. Tirons, tirons les amis, à boulettes confettis, et quelques utopies. Mais c'est donc qu'on arrête l'histoire qui se répète. Juste avant qu'il soit l'heure, on fera peur à la peur. Même si on nous aura tout pris, il nous reste le bruit. Ramasse le faisan, faisan des bouts de vie. Et surtout n'oublie pas tout ce qui dort en toi. Mais n'ouvre pas les yeux, t'es mort en moins de deux. Mais c'est quand qu'on arrête l'histoire qui se répète. Juste avant qu'il soit l'heure, on fera peur à la peur. Mais c'est quand qu'on arrête se répète, juste avant qu'il soit l'heure, on fera peur à la peur.

bien. J'ai traversé l'Islande sur un skateboard à moteur. Je n'ai plus peur des volcans, je suis l'un des leurs depuis bien longtemps. J'ai changé de groupe sanguin, mais pas de groupe de copains. Dionysos est né deux fois sous mes os, c'est aussi comme ça. Nouvelle vie qui fleurit, c'est l'espoir planté sous mes os. Ce n'est pas un conte de fées, mais ça peut y ressembler. Je suis un nouveau-né de 40 ans passés. Je ne suis plus un vampire, j'ai brûlé mon pyjama. Dionysos est né deux fois sous mes os, c'est aussi comme ça. Nouvelle vie qui fleurit, c'est l'espoir planté sous mes os. Oh, oh, oh, planté sous mes os. Oh, oh, oh, planté sous mes os. J'en ai le cœur net, il est plus gros que la tête, le cœur, le cœur. Et voilà, voilà, voilà. We're back for the last time because it is 9:57 and yep. Then there's a Balkan Jamboree. Just one thing before I back announce yep. the songs. We won't be, there's no show next week. Yep. Not that it's our choice. Ah, ça c'est vrai. Yeah, c'est sûr, ça c'est sûr. It's just that, well, our show is preempted for the elections. In case you don't know, there's our... Presidential elections. Mm-hmm. I think we have a question in St. Paul talking about it. Actually, I think they are talking about like grouping the elections, like the local elections with the presidential or something mm-hmm. like that. I don't know what to think about it, but... Well, one thing that I think is a little... that could be also a reason why sometimes people don't go and vote, that happens a lot. You mm-hmm. go vote often. You yeah. know, like, and that depends on where you live. Like in Minneapolis, you're gonna go and vote like in mid-December for you know someone on the school board. Oh, we don't. So. No, not in St. Paul. In St. Paul, it's always on the first Tuesday of November. Okay. But it could be a year like I think it was 2 years ago where we voted just for the mayor and and some council members. Yeah. So. That was, but yeah, there was no presidential election. There was no, mm-hmm. I think there was not even like any House representative at the time, which is rare because it's every 2 years. Yeah. But we'll that's see. What I mean in terms of organization and you know resources. Et it cetera, is work. It would make more yeah. sense. Yeah, financially, so. But. So no show next week, and actually there's just 1 minute left until Balkan Jamboree. So we're going to say good night. Yeah, good night. Au revoir. Bonne semaine. Nuit. Bonne semaine pluriel, plural, because that's 2 weeks. Well, I don't understand. We'll be in the studio in 2 weeks.